raison de nos émotions. Ne pas sortir, ne pas abandonner. Si tu renonces en creux de vagues de la passion, tu perdras tout ce que l'on s'est donné. We're not alone. De la passion, tu perdras tout ce que l'on s'est donné. We're not alone.